Bonjour à tous, bienvenue dans les Feux de l'amour, les chemins de la philosophie cette année. On commence l'année à table, en buvant du vin bien accompagné, puisque le philosophe Fulcran Tesserin, est avec nous en studio. Bonjour Fulcran. Bonjour Adèle Vendrette. Merci d'être avec nous sur le chemin de la philosophie en cette rentrée. Merci de m'avoir invité. Vous êtes mon invité, je vous ai invité, mais comme le dit Johnny, aujourd'hui, vous êtes tous mes invités. Bonsoir. Ce soir, vous êtes tous mes invités. Je peux fêter mon retour sur Terre, et comme autant loin que les Romains, je veux qu'on dresse une table en pierre. Ce soir, je veux qu'on fasse un festin. Je veux qu'on s'en mette à l'avance. Je veux qu'on bouffe comme des porcs gros ailés. Je veux qu'on chante, je veux qu'on danse. Je veux la vie tout remanquer. Les femmes depuis le lever du jour ont mélangé des potions d'amour avec les fruits du diable en secret dans le grand banquier. Ah, quel plaisir de retrouver le micro pour parler d'amour avec Johnny et vous, Fulcran Tesserin. C'est vrai qu'un banquet, au sens premier du terme, c'est comme le champ de Johnny, un endroit où on s'assied, on mange et on boit, surtout au temps de Platon. Ah oui, exactement. On mange d'abord, on boit ensuite et on parle. Voilà. Et puis, un petit peu comme... Le disait Johnny, il y a aussi la musique. Hein ? On fait venir une courtisane qui joue de l'olos et on se réjouit de sa présence comme de la musique. Sauf que le banquet de Platon, c'est une variation là-dessus, puisque ça commence par la mise à l'écart de la courtisane et de la musique, hein, de la joueuse d'olos. Hein, joue de l'olos, qui est une sorte d'un instrument qu'on traduit parfois par flûte, c'est un peu inexact, c'est un instrument à hanches. Bon. Et ça commence d'entrée de jeu par la mise à l'écart de la courtisane qui joue de l'olos. Et on pourrait dire à ce moment-là que nous basculons du coup dans quelque chose de très sérieux, de très austère. Mais en réalité, le banquet, outre le fait qu'on continue quand même à boire, même si on écarte la musique et la courtisane, bah, réintroduit à sa manière la courtisane et la musique, puisque, comme vous le savez, c'est Diotime qui va initier Socrate au mystère de l'amour. Donc c'est une femme. La présence féminine revient par l'intermédiaire de Diotime. Oui. Pourrait-on dire sublimée, peut-être. Enfin, elle n'est pas présente physiquement. Elle n'est pas c'est présente Socrate physiquement. C'est Socrate qui relate ses voilà, paroles. Voilà. Mais ils sont entre hommes, voilà. Sans musique et sans femme. Sans musique et sans femme. Mais elle revient par la fenêtre, pourrait-on dire. Elle sort par la porte, mais elle revient par la fenêtre, en la personne de Diotime. Et la musique, c'est aussi la musique de la philosophie, c'est aussi la musique du discours. Et comme vous le savez, à la toute fin, Alcibiade jaillit dans la pièce, ivre, et avec lui la courtisane et la flûte, à nouveau la musique. Donc voilà, nous sommes encore dans un contexte qui est à peu près celui auquel nous sommes habitués et que chante à sa manière Johnny. On va reconstituer ce blanquet en votre présence, Fulcran Tesserin, ce matin. Vous êtes professeur de première supérieure au lycée Poincaré à Nancy. Vous enseignez également aux prépas scientifiques qui ont au programme cette année le thème de l'amour, dont le banquet de Platon dont nous parlons ce matin. C'est-à-dire que vous vous échauffez en fait pendant cette émission. Bah oui, c'est pour ça. C'est un galop d'essai. Voilà. Vous connaissez très bien ce texte. Vous y avez beaucoup travaillé. Vous êtes déjà venu en parler à ce micro. Ce texte a quelque chose de très théâtral puisque chaque personnage va prendre la parole tour à tour. Chacun va exprimer une vision différente de l'amour. Socrate s'exprimera en dernier en rapportant les propos de Diotime. On y reviendra évidemment. Il faut savoir que tout le monde boit, tout le monde est ivre, sauf Socrate qui a cette particularité de boire comme un trou, mais de n'être jamais ivre. Tout à fait. Alors tout le monde boit, oui, mais modérément. Hein, parce que il faut rappeler le cadre, c'est Agathon qui invite ses amis à fêter sa victoire. Il a gagné un prix à un festival dramatique, il a remporté le prix de la tragédie, et donc il célèbre cette victoire en invitant ses amis. Mais il y a déjà eu la veille un épisode assez alcoolisé pour fêter cette victoire, et donc aujourd'hui, en tout cas quand ils se réunissent, ils ont tous un peu mal à la tête, et par conséquent ils décident de boire avec modération. Ceci dit, ça n'empêchera pas Alcibiade de débarquer à la fin, et lui complètement ivre. Voilà. Et à ce moment-là, de demander à tout le monde de boire. Et Socrate continuera à boire. Il boira jusqu'à l'aube, mais il restera toujours clair, lucide, et il partira le matin pour accomplir sa journée habituelle. Voilà. On peut dire que le but de ce texte, écrit par Platon, c'est de proposer la définition la plus véritable possible de l'amour ? Alors, assez curieusement, la question « qu'est-ce que l'amour ?» qui est la question dont on pourrait dire que c'est une question dont la frappe serait socratique, n'est pas posée d'entrée de jeu. On y arrive progressivement. Et le banquet est lui-même un texte polyphonique, puisqu'il y a plusieurs interlocuteurs qui chacun fait un discours. Donc on n'est pas dans une structure dialogique classique, même si à l'intérieur des discours, il peut y avoir des échanges ou des restitutions d'échanges. Socrate, par exemple, rappelle l'entretien qu'il a eu avec Diotime. Mais pour l'essentiel, tous les intervenants font un éloge de l'amour. Donc ce n'est pas une recherche dialectique sur la nature de l'amour. C'est à chaque fois un éloge, et donc il faut présenter l'amour sous ses traits les plus séduisants. C'est ce en quoi s'emploient tous les autres interlocuteurs, sauf Socrate, qui lui prétend en effet accéder à la vérité, ou en tout cas rechercher la vérité, et s'efforce donc de définir l'amour dans ce qu'il a de plus essentiel. Voilà. Mais ça, c'est un point de vue auquel on arrive assez tardivement dans le dialogue. Précisément, parmi les interlocuteurs, on trouve Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane, Agathon, puis Socrate et Diotime. Le parti pris de donner la parole à d'autres personnes que le philosophe Socrate est très clair. Est-ce que ça veut dire que pour réfléchir sur l'amour, le philosophe ne peut pas être seul, qu'il faut entendre le point de vue du poète, du littéraire, etc.? Oui, je crois que l'amour fait partie de ces réalités qui, pour Platon, s'appréhendent correctement au moyen du mythe, au moyen d'un exposé de type narratif. Alors, pas seulement, évidemment, il peut y avoir une reprise conceptuelle et dialectique de ce qui a été présenté d'abord sous la forme d'une narration, mais la narration a quelque chose d'essentiel, d'inéliminable. Et donc, de ce point de vue, il est normal que d'autres que Socrate aient droit à la parole. Après, il appartient à la philosophie, en tout cas dans la perspective platonicienne, disons d'arbitrer entre ces discours. Mais on ne peut pas faire complètement l'économie d'une approche, sinon littéraire, du moins qui fasse toute sa place au récit. Laissons donc la parole au premier convive qui va s'exprimer. Il s'agit de Phèdre. Son discours prend la forme d'un éloge à Eros, le dieu de l'amour. Est-ce que vous voulez nous présenter Phèdre avant qu'on l'entende ? Alors, Phèdre, c'est le personnage, le premier, qui parle donc de l'amour. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a un plan circulaire. Ils sont tous allongés sur des lits. Ils sont deux par lit et il y a un tour de parole. Et donc, selon le sens de la rotation qui a été adoptée, c'est évidemment Phèdre qui doit parler en premier, parce que c'est ainsi qu'ils sont disposés, que les lits sont disposés dans la pièce du banquet. Alors, le discours de Phèdre est un discours relativement classique. Avec celui de Pausanias, disons que ce sont les deux discours qui présentent la conception que l'on pouvait avoir de l'amour dans l'Athènes de la fin du 5e siècle, dans les milieux les plus éduqués, les plus savants de l'Athènes de la fin du 5e siècle, début 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, si on veut comprendre la conception que les Grecs pouvaient se faire de l'amour, eh bien, ces deux discours sont assez représentatifs, je crois, de l'approche traditionnelle que les Grecs pouvaient avoir de l'amour, et notamment de l'amour homosexuel. Voilà. À savoir que l'amour est le dieu Eros est un bienfaiteur pour l'humanité, et que si les gens s'aimaient davantage, eh bien, ils seraient meilleurs soldats, et nous pourrions plus facilement former un État. Mais oui. Eros, ce dieu si ancien, est aussi un grand bienfaiteur pour l'humanité. Car je ne connais pas de plus grand bien pour un homme, dès qu'il entre dans l'adolescence, qu'un amant vertueux, et pour un amant, qu'un ami vertueux. car il est un sentiment qui doit gouverner toute notre conduite si nous voulons vivre honnêtement. Or, ce sentiment, ni la parenté, ni les honneurs, ni les richesses, ni rien, ne peut nous l'inspirer aussi bien que l'amour. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est la honte du mal et l'émulation du bien. Sans cela, ni État ni individu ne peut rien faire de grand ni de beau. Aussi j'affirme qu'un homme qui aime, s'il est surpris à commettre un acte honteux ou à supporter lâchement un outrage sans se défendre, souffre moins d'être vu par un père ou un camarade ou qui que ce soit que par celui qu'il aime. Et nous voyons de même que le bien-aimé ne rougit jamais si fort que devant ses amants quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. Si donc il y avait moyen de former un État ou une armée d'amants et d'aimés, on aurait la constitution idéale, puisqu'elle aurait pour base l'horreur du vice et l'émulation du bien. Et s'ils combattaient ensemble, de tels hommes, en dépit de leur petit nombre, pourraient vaincre le monde entier. L'amour nous rendra victorieux et nous permettra de former un État. C'est Phèdre qui le dit à travers la plume de Platon sur France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée où nous allons parler d'amour. Cette semaine, aujourd'hui, du banquet de Platon en compagnie du philosophe Fulcran Tesrinck. On apprend à la lecture de ce texte, Fulcran, que non seulement l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais que c'est un dieu. Ce qui peut paraître surprenant aujourd'hui en 2018, enfin, pas pour tout le monde. Mais aussi que l'amour a cette grande vertu de nous rendre combattants et de nous permettre de former un État. Il a une dimension politique. Deux choses très étranges. Oui, tout à fait. C'est un dieu. Les Grecs avaient ce génie pour transformer en dieu tout ce qui peut inspirer la conduite humaine. Hein. Tout comme ils pouvaient aussi transformer en dieu tout ce que les hommes accomplissaient de beau et d'excellent. Alors, évidemment, dans le texte, on ne nous dit pas que Eros, le dieu Eros, est une transformation, une sublimation du dieu humain. On dit que c'est lui qui inspire les sentiments des hommes. C'est lui qui anime les hommes, c'est lui qui fait naître dans les hommes ces sentiments dont Phèdre montre qu'ils ont précisément une très grande vertu politique. Puisque ce sentiment de l'amour est ce qui amène l'individu dont il prend possession à se dépasser, à se sublimer, parce qu'il cherche précisément à apparaître sous son jour le plus favorable aux yeux de celui qu'il aime. Hein, donc il y a ici une proximité très forte entre deux concepts fondamentaux de la culture grecque, l'éros, hein, le désir amoureux, et l'agone, la lutte, hein, l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, l'esprit d'émulation. Les deux ont partie liée dans ce texte de Phèdre. D'où, évidemment, l'idée selon laquelle une armée d'amants serait supérieure à toute autre armée et pourrait fonder un État, ou en tout cas aiderait à la défense d'un État qui n'aurait rien à craindre de ses voisins. Ouais. Mais dans Eros, vous dites, vous le traduisez par désir amoureux, c'est une certaine modalité de l'amour ou c'est le dieu amour? Parce qu'aujourd'hui on distingue érotisme et amour. Alors, dans le texte d'ailleurs, vous avez les deux possibilités. Et le grec, du reste, ne permet pas toujours de savoir à qui on a affaire. Parce qu'il n'y a pas de majuscule dans le texte que nous avons. Hein. Et donc on ne sait pas si c'est le dieu Eros ou si c'est le sentiment ou le désir érotique dont il est question dans le texte. Platon joue sur cette ambiguïté. Hein, tantôt il désigne ici le sentiment, tantôt il désigne le dieu qui inspire le sentiment. Mais en réalité, il faut bien voir que la distinction que je fais entre un dieu qui inspire le sentiment et le sentiment lui-même est peut-être une distinction à remettre en cause. Dieu est dans le sentiment. Il n'est rien d'autre que cette puissance qui traverse les hommes, s'empare d'eux, les fait sortir de leurs limites et puis les abandonne. En fait, c'est l'autre nom donné à la passion. Dieu, c'est une manière de dire que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous traverse quand nous sommes amoureux. De là à dire que nous sommes irresponsables, c'est un pas que n'a jamais franchi, et que ne franchissent pas d'ailleurs les personnages du banquet de Platon. Évidemment que l'âme est traversée par des forces. Hein, et ces forces, on peut les diviniser, ou on peut considérer qu'elles sont l'émanation d'un dieu. Mais l'âme reste, chez Platon, dans un certain jeu avec elle-même, elle est toujours plurielle, et elle peut se rapporter à elle-même sous la modalité de la domination, ou au contraire sous la modalité de la servitude. Donc tantôt elle est prise par ses propres démons, pourrait-on dire, et à ce moment-là effectivement on peut parler d'une soumission à la passion. Tantôt au contraire elle est capable d'établir un rapport avec elle-même qui est un rapport de maîtrise et de domination. Mais il n'empêche que il faut admettre cette pluralité de l'âme, hein, ce fait que l'âme est multiple avant d'être une. Et c'est parce qu'elle est multiple que précisément le rapport à soi est complexe. Si nous étions d'une seule pièce, le rapport à soi serait sans difficulté, il n'y aurait pas besoin de parler d'un souci de soi. Mais c'est bien parce que nous sommes divers, nous sommes variés, que la question de l'unification du soi est une question fondamentale pour Platon. Plus tard, dans un texte postérieur au banquet qui s'appelle précisément Phèdre, donc du nom de celui qui a prononcé ce premier discours, Platon décrira cette complexité de l'âme, cette pluralité de l'âme, avec, en prenant l'image d'un attelage de chevaux, un cheval fougueux qui tire dans une direction et un cheval plus calme qui au contraire essaye d'apaiser l'âme. D'accord. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut pas oublier qu'il y a un troisième personnage qui est le conducteur. Hein, donc l'âme est tripartite chez Platon. Et quand on dit qu'elle est tripartite, il faut aussi se garder d'une vision un peu simpliste qui voudrait que la partie dominante ou celle qui est appelée à dominer, c'est-à-dire la raison, soit étrangère au désir. Non, la raison n'est qu'une forme de désir chez Platon, et les deux autres chevaux qui sont conduits par le conducteur du char de l'âme, donc par la raison, sont également des variantes du désir. Donc on pourrait dire que l'âme, si on réduit Eros au désir, n'est qu'un complexe de force amoureuse, quitte... L'enjeu maintenant est évidemment pour Platon de faire prévaloir une force sur une autre. Précisément, si on continue la lecture du banquet, après Phèdre, c'est Pausanias qui prend la parole, qui semble reprocher dans un premier temps à Phèdre de n'avoir pas pris en compte la multiplicité de l'amour. Il revient sur cet aspect pluriel de l'amour en montrant bien que l'amour en soi n'est ni bon ni mauvais, bien qu'il induise une forme de responsabilité morale de la part de celui qui ressent l'amour et de celui qui est aimé. Écoutez ce texte. L'amour n'est pas une chose simple. J'ai dit qu'il n'était de soi ni beau ni laid, mais que, pratiqué honnêtement, il était beau, malhonnêtement, laid. Or, c'est le pratiquer malhonnêtement que d'accorder ses faveurs à un homme mauvais ou pour de mauvais motifs. Honnêtement, de les accorder à un homme de bien ou pour des motifs honorables. J'appelle mauvais l'amant populaire qui aime le corps plus que l'âme. Car son amour n'est pas durable puisqu'il s'attache à une chose sans durée. Et quand la fleur de la beauté qu'il aimait s'est fanée, il s'envole et disparaît, trahissant ses discours et ses promesses. Tandis que l'amant d'une belle âme reste fidèle toute sa vie parce qu'il s'est uni à une chose durable. L'opinion parmi nous veut qu'on soumette les amants à une épreuve exacte et honnête, qu'on cède aux uns, qu'on fuit les autres. Aussi encourage-t-elle à la fois l'amant à poursuivre et l'aimé à fuir. Elle examine, elle éprouve à quelle espèce appartient l'amant, à quelle espèce l'aimé. C'est pour cette raison qu'elle attache de la honte à se rendre vite. Elle veut qu'on prenne du temps, car l'épreuve du temps est généralement sûre. Il n'est pas beau non plus de céder au prestige des richesses, du pouvoir. Soit qu'on tremble devant la persécution et qu'on ose y résister, soit qu'on ne sache pas s'élever au-dessus des séductions de l'argent et des emplois. Car rien de tout cela ne paraît ni ferme ni stable, outre qu'une amitié généreuse ne saurait en sortir. Il ne reste donc, étant donné l'esprit de nos mœurs, qu'une seule manière honnête pour l'aimer de complaire à l'amant. Car de même qu'il n'y a, nous l'avons dit, ni bassesse ni honte dans la servitude volontaire, si complète soit-elle, de l'amant envers l'aimé, ainsi n'y a-t-il aussi qu'une autre servitude volontaire qui échappe au blâme, c'est la servitude où l'on s'engage pour la vertu. Heureux sont les élèves en prépa scientifique qui cette année entendront parler d'amour chaque jour jusqu'au concours, notamment par vous, Fulcran Tesserin. Je pense que ce sont vos élèves au lycée Poincaré de Nancy. Ils ont notamment le banquet de Platon au programme, aussi le songe de nuit d'été, on en parlera demain, la chartreuse de Parme, mercredi. Donc c'est une rentrée avec ces élèves, mais qui s'adresse à vous tous, chers auditeurs. Si vous voulez entendre parler d'amour, écoutez Les Chemins de la Philosophie chaque jour cette semaine, et puis lisez surtout Le Banquet de Platon. Vous y entendrez diverses interventions qui soutiennent certaines perspectives sur l'amour, certaines qui nous paraissent bien lointaines, d'autres qui sont très contemporaines, on pourrait dire. Fulcran Tesserin, la lecture, c'est toujours étonnant. Le discours de Pausanias dit plusieurs choses, plusieurs idées qu'on va développer ensemble parce qu'elles sont très importantes. La première semble distinguer, assez classiquement je dois dire, un amour qui serait celui que Pausanias appelle le populaire. L'amant populaire, c'est le mauvais amour, c'est celui qui aime le corps. L'autre type d'amour, celui qui aime l'âme, qui est l'inverse de populaire, il n'y a pas d'adjectif ici qui vient le caractériser, c'est celui qui aime l'âme, donc quelque chose de durable qui ne périt jamais. Oui, alors il faut bien voir que cette distinction s'ancre d'abord dans une distinction entre deux déesses, deux Aphrodites. Il y a deux Aphrodites, il y a l'Aphrodite uranienne, fille sans mère d'Uranos. Et puis, vous avez donc celle dont je vais te parler, excusez-moi, elle s'appelle, on la traduit comme, on la nomme comme étant l'Aphrodite céleste. Et puis, vous avez l'autre Aphrodite, qui est la fille de Zeus et de Dioné, et celle-ci, on l'appelle démotique ou populaire. Bon. Et donc, dans l'esprit de Pausanias, ces deux Aphrodites sont accompagnées, chacune, par un Eros propre. Donc il y a deux Eros, hein, selon l'Aphrodite qu'ils accompagnent. Alors, l'Aphrodite uranienne, elle n'a qu'un seul père. Et parce qu'elle n'a qu'un seul père, c'est elle qui inspire les amours homosexuelles, masculines. Pourquoi ? Quel est le lien entre le fait de n'avoir qu'un père ? Eh bien parce que, justement, elle descend de l'élément mâle, et par conséquent, c'est elle qui inspire l'amour du mâle. Voilà. C'est une généalogie mythologique, naturellement. Oui. Hein, voilà. Mais c'est pour expliquer. Pas toujours logique ? Oui, enfin, qui n'est pas logique au sens où, évidemment, ces histoires de dieux qui s'engendrent les uns les autres peuvent nous laisser dubitatifs. Mais il s'agit simplement de distinguer entre une espèce d'amour qui est orientée vers ce que Pausanias considère comme étant le plus noble, à savoir ce qui relève de la masculinité, et puis un autre amour qui, lui, est plutôt attiré par le contraire, par la différence, et donc ça, c'est l'amour hétérosexuel, et c'est un amour qui arrive plus tard, puisque dans la généalogie des dieux, c'est l'amour, enfin, il accompagne Aphrodite qui elle-même est la fille de Zeus. Donc, par rapport à la première Aphrodite, il y a un décalage de deux générations. Bon. Donc, étant plus tardif, il est moins noble. Et ayant cet Eros accompagnant une Aphrodite qui est elle-même issue d'un accouplement hétérosexuel, cet Eros est de nature à inspirer les amours hétérosexuels, lesquels sont, par définition en tout cas, pour Pausanias, portés vers un élément qui est moins noble que le premier amour, c'est-à-dire vers l'élément féminin. En tout cas, pour ce qui est évidemment des hommes qui sont inspirés par un tel désir. Et après, réciproquement, on pourrait dire les femmes qui sont animées par cet éros pour un élément masculin, peut-être là, il y a une contradiction dans le discours de Pausanias. Oui. Donc en fait, la hiérarchie, elle n'est pas simplement entre amour du corps et amour de l'âme, non. Elle est entre amour homosexuel et amour hétérosexuel. Exactement. Exactement. Et l'amour homosexuel est conçu comme pour étant... Pour Pausanias, comme étant un amour qui se porte davantage vers l'âme de son aimé que vers son corps. Et un amour homosexuel entre deux femmes, ça fonctionne ou c'est quand même une dégénérescence ? C'est pas évoqué dans le discours de Pausanias. Ça sera en revanche évoqué dans le discours d'Aristophane. Hein, puisqu'il y aura une mention de l'amour homosexuel féminin, qui est d'ailleurs la seule mention dans la littérature antique que nous ayons d'un amour de nature lesbienne. Voilà, de nature lesbienne. Pardon. Donc Pausanias établit cette hiérarchie, cette double hiérarchie, donc entre l'amour du corps et l'amour de l'âme, l'amour homosexuel et l'amour hétérosexuel. Rajouter un élément, c'est que cet amour homosexuel, qui se porte de préférence vers l'âme plutôt que vers le corps, est un amour qui doit être qui doit s'adresser à un jeune adulte. Il y a un passage tout à fait étonnant dans ce discours de Pausanias qui condamne l'amour des enfants, ce qu'on appelle de nos jours la pédophilie. Envers les enfants. Précisément parce que un enfant n'a pas encore fait preuve de l'âme, qu'il n'a pas manifesté le type d'âme dont il est porteur. Donc aimer un enfant est forcément n'aimer que son corps. Et n'aimer que son corps, ou en tout cas aimer quelque chose qui est en devenir et donc qui n'a pas démontré la vertu qu'il peut éventuellement contenir. Ce qui pour le coup nous rappelle une forme d'actualité cette fois-ci, quant à l'âge légal. Exactement, et il y a une suggestion de Pausanias qui est tout à fait étonnante, c'est l'interdiction de l'amour des enfants. De ceux qui, enfin, ou des jeunes gens qui n'ont pas encore passé la puberté. Et il y a un parallèle d'ailleurs assez curieux qui est établi entre cette proposition de loi de Pausanias et la loi non écrite qui proscrit l'amour des femmes libres. C'est-à-dire qu'on peut avoir un amour pour une courtisane, mais à partir du moment où il s'agit d'une femme de condition libre mariée, évidemment, il est interdit de la convoiter, de la désirer. Et il y a un parallèle qui est établi entre cette interdiction de l'amour des femmes de condition libre et l'interdiction suggérée de l'amour des enfants. Voilà. Alors c'est assez étonnant, parce que vous voyez que ça aboutit à mettre en parallèle la femme de condition libre et l'enfant de sexe masculin, et ça aboutit également à un autre parallèle, suggéré par le texte implicite, mais évidemment que le lecteur averti ne peut manquer de percevoir, entre l'éphèbe, celui qui a 18 ans, et la courtisane. Puisque ça revient à dire, au fond, que aimer un éphèbe, c'est accomplir une action aussi libre que celle qui consisterait à aimer, et aussi noble, que celle qui consisterait à aimer une courtisane. Alors on peut songer à Aspasie, par exemple, la maîtresse de Périclès. Voilà, donc il y a là quelque chose qui est assez intrigant dans le texte, dans le discours de Pausanias. Et qui nous renseigne sur la culture athénienne à cette époque. Parce que finalement, la réflexion qui est proposée sur l'amour à travers chacune des interventions se présente comme étant dénuée de toute forme de contexte culturel, alors qu'il n'en est rien. Et il y a une dimension normative assez forte quand même. Il y a une hiérarchie. De toute façon, L'amour homosexuel et l'amour de l'âme qui est plus noble que les autres. Bien sûr. Et cela jusqu'au bout du texte. Ah, tout à fait. Ah non, mais la dimension normative, elle est permanente. Oh, mais ça semble s'opposer à la réflexion philosophique, non ? Vous voulez dire que la réflexion philosophique devrait être plus descriptive que normative ? Ou critique, oui, dès lors qu'elle est normative, qu'elle semble impliquer qu'il y a une bonne manière d'aimer, alors est-ce qu'on reste dans la réflexion philosophique ? Rappelez-vous le début du texte de Pausanias. Pausanias dit, il n'y a pas d'acte en lui-même mauvais. Ce qui compte, c'est la manière dont on accomplit l'acte. Donc c'est quand même une réflexion assez intéressante qui n'est pas développée dans le texte, mais qui vise à dire au fond que c'est simplement la modalité de l'action plus que l'action elle-même, la forme de l'action plus que sa matière qui détermine la valeur morale de l'action. Donc, au fond, faire l'amour avec un homme ou faire l'amour avec une femme, en soi, ce n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de la manière dont on fait l'amour et tout dépend de l'être avec qui on fait l'amour. C'est vrai à l'échelle individuelle, ça semble moins vrai à l'échelle collective. Avançons dans le texte, puisque il faut qu'on arrive à la prise de parole d'Aristophane qui va relater un mythe qui est resté célèbre, le mythe des androgynes. Nous serions à l'origine une boule faite de quatre bras, quatre jambes que les dieux ont scindé en deux pour nous punir et nous passons notre vie à vouloir retrouver notre moitié. Si c'était une boule avec deux sexes féminins, eh bien une femme se tendrait vers l'autre femme, si c'est une boule hétérosexuelle, etc. Eh bien, à la fin de ce mythe, il est dit que l'amour homosexuel, nous y revoilà, serait sans doute celui qui permettrait davantage aux êtres humains de gouverner, comme si l'homosexualité était une qualité aussi pour se retrouver à la tête de l'État. Écoutez un extrait de ce texte, c'est Roland Barthes qui le lit. Chacun de nous est une moitié d'homme qui a été séparé de son tout, de la même façon qu'on coupe une plie en deux, et chaque moitié est toujours en quête de son autre moitié. Les hommes qui proviennent d'une section masculine recherchent le sexe masculin. Parce qu'ils sont une tranche de mâle, tant qu'ils sont jeunes, ils aiment les hommes et se complaisent à se coucher et à s'enlacer avec eux. Et parce qu'ils sont naturellement les plus mâles, ils sont aussi les plus courageux des garçons et des adolescents. C'est mentir que de les accuser d'être impudiques. Ce n'est point en effet par impudeur qu'ils se livrent, mais parce qu'ils ont l'âme hardie, le caractère viril et le courage mâle qu'ils chérissent leurs semblables. La grande preuve de ce que j'avance, c'est qu'une fois dans leur maturité, de tels adolescents arrivent seuls à gérer les affaires de l'État. Devenus hommes, ils aiment à leur tour les garçons, et s'ils se marient, s'ils procréent des enfants, ce n'est pas parce que leur nature les y pousse, c'est que la loi les y oblige. De tels hommes, en effet, deviennent nécessairement les amants et les aimés des garçons, car ils n'aspirent sans cesse qu'à se rattacher à leurs semblables. Lorsqu'il arrive à celui qui aime les garçons, ou à tout autre, de rencontrer sa moitié, ils sont alors saisis l'un pour l'autre d'une sympathie, d'une affinité et d'un amour si merveilleux qu'ils ne veulent plus se séparer, ne serait-ce qu'un instant. Roland Barthes qui lit le mythe d'Aristophane dans le banquet de Platon. Voilà pourquoi les hommes qui aiment les garçons sont meilleurs gouvernants que les autres, car ils ne se marient et ne procréent que par devoir et non par amour, Fulcran Tesserin. Bah oui, bien sûr, parce que la loi grecque imposait le mariage. On ne pouvait pas s'y soustraire. Et il apparaissait tout à fait naturel de se marier. Entre parenthèses, Platon ne s'est pas marié. Ce qui prouve que cette loi n'était pas absolument contraignante en dépit de ce que je viens de dire. Voilà. Mais pour revenir à ce mythe dont on vient d'entendre un extrait par Roland Barthes, on voit très bien qu'il y a un écho entre ce mythe et le premier texte que vous avez lu, hein, celui de Phèdre, du discours de Phèdre. Et la vertu politique de l'amour homosexuel. Alors, il faut rappeler quand même quelque chose qui est souvent passé sous silence à propos de ce mythe très célèbre. C'est que la sexualité n'est pas conçue comme le moyen par lequel les deux parties retrouvent l'unité perdue. Car le mythe contient deux phases. Trois plus exactement. La première phase, c'est évidemment, le premier moment, c'est le moment de la séparation. L'œuf initial est coupé en deux avec un fil de crin. Donc les deux parties qui se retrouvent séparées se recherchent ensuite. Or, quand elles se trouvent, qu'est-ce qui se passe? Elles périssent d'inanition. Pourquoi? Parce qu'elles sont entièrement occupées par la présence de l'âme sœur, hein, de la part manquante qui maintenant est présente. Bon. Et donc, nous avons ici une forme d'autisme. Un retour à soi qui est un retour qui ferme sur soi et qui fait dépérir l'être vivant. Bon. Et c'est pour remédier à cette situation que Zeus demande à Apollon de déplacer les organes de la sexualité qui étaient derrière et qui maintenant se retrouvent devant. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir union des corps. À quoi sert l'union des corps? À détendre l'unité, à sortir de l'autisme, de la situation, hein, de la situation de retrouvailles. Hein. Et c'est à partir du moment où les êtres ne sont plus complètement accaparés par leur part manquante, qu'ils peuvent précisément accomplir des choses qui ont une certaine noblesse, une certaine grandeur. C'est qu'à partir du moment où le désir est peut-être comblé, où il peut y avoir jouissance sexuelle. Oui, disons que la jouissance sexuelle peut être une façon de sortir momentanément de cet autisme, en accordant peut-être au corps ce qu'il désire, mais du coup les âmes se trouvent libérées de cette quête de la part manquante et peuvent, dans le compagnonnage amoureux, se livrer à des actions nobles et grandes. En l'occurrence, des actions politiques ou éventuellement des actions de type poétique. Les deux options sont proposées par Aristophane, ou bien la politique, ou bien la poésie. Bon. Alors, l'amour homosexuel, de ce point de vue, c'est ce qui vient parachever cette construction d'Eros, puisque l'amour homosexuel est celui qui s'éloigne le plus des nécessités de la nature. Et s'éloignant le plus des nécessités de la nature, il est évidemment le plus celui qui tend le plus à favoriser les activités qui sont indépendantes de la nécessité. La poésie, la politique. Tandis que l'amour hétérosexuel est un amour qui est encore assujetti à la nécessité naturelle de la reproduction. Et c'est de ce point de vue qu'il est inférieur à l'amour homosexuel. Mais rien dans le mythe d'Aristophane ne laisse penser que les retrouvailles ont pour fin la procréation. Il s'agit d'enlacer l'autre qui est la moitié perdue au sens littéral du terme, ce qui implique une forme de conception de l'amour fusionnel, et de le retrouver même au sens sexuel du terme, et pas forcément de procréer. Alors, la nécessité est celle de la sexualité plus que de la reproduction dans le mythe d'Aristophane. La nécessité est celle des retrouvailles. Mais les retrouvailles peuvent avoir deux modalités. Ou bien, dans un premier temps, elles aboutissent à une jonction avec la part manquante qui ferme l'individu sur lui-même. Auquel cas, l'individu meurt. Il est coupé du monde, il s'affranchit du monde et il dépérit. Ou bien, au contraire, la rencontre permet une forme d'ouverture. Et c'est ce qui se passe grâce à la sexualité. Car la sexualité délivre du corps. La thèse d'Aristophane n'est pas que la sexualité est un moyen de donner au corps sa satisfaction. Ou en tout cas, si elle dit ça, c'est pour dire aussi en même temps que donnant au corps ce dont il a besoin, elle libère du corps. Et donc la sexualité est le moyen par lequel les hommes s'arrachent à la nécessité de retrouver la part manquante et de s'enfermer avec elle. C'est une vision très sage de la sexualité, qu'il suffit de consommer pour ne plus y penser. Ou pour penser à autre chose. Mais pour penser à autre chose. Voilà. Un temps. Ouais. Mais ça recommence ensuite. C'est ça. Voilà. Donc oui. Finalement, ça dégage pas beaucoup de d'espace pour s'adonner à la politique. Ça en dégage plus que si... Que la frustration permanente. Que la frustration permanente ou que la jonction permanente avec la part manquante. Donc on aura compris que pour Aristophane, peut-être même pour Platon, l'amour homosexuel est celui qui permet le mieux de gouverner, finalement. C'est une vertu pour être un bon homme politique. C'est une condition. C'est une condition. Plus qu'une vertu, ça dépendra de la manière dont il est pratiqué ou de la manière dont il conduit, oui ou non, à ce désir de prendre en charge les affaires de la cité, à ce désir d'être créateur. Voilà. Il y a une vraie création. Et on joint de ce point de vue le discours qui arrivera par la suite, celui de Diotime. La création est une façon de prolonger l'individu, de continuer à lui permettre de vivre. Bon, et la procréation l'est également. Procréation et création ont de ce point de vue une même ambition, celle de donner à la vie un moment de plus, retarder la mort, faire en sorte que celle-ci ne triomphe pas de façon définitive. Donc là encore, Eros et Thanatos. Et donc Eros est fondamentalement cette puissance créatrice. Alors créatrice en faisant des enfants, mais créatrice en fondant des cités, en s'occupant des affaires communes ou en étant poète. Le mythe d'Aristophane nous permet de comprendre que l'amour est fait de désir et de manque. puisqu'il y a quelque chose qui nous manque, à savoir notre moitié, qui nous fait tendre vers cette chose. Toute la question est de savoir si l'amour est toujours négatif, qui est toujours manque de quelque chose, qui nous fait aller soit vers notre seconde, notre moitié, soit vers autre chose, soit vouloir souhaiter le prolongement de la vie dans la procréation, ou la création à l'échelle collective, comme serait la politique. Il nous faut avancer vers la fin du texte du Banquet, Fulcrant Esrine, pour avoir la réponse à cette question. Après Aristophane, Agathon prend la parole, et puis Socrate, avant de proposer la thèse que lui aurait révélée Diotime, va se permettre de critiquer Agathon et va commencer ici une sorte de joute philosophique, celle que l'on connaît chez Socrate, qui consiste à critiquer ce qui vient d'être dit. Je vous propose d'écouter ce dialogue entre Socrate et Agathon qui permet de distinguer, de préciser de quel type de manque l'amour serait fait. Dis-moi ceci, Eros est-il amour de rien ou de quelque chose ? De quelque chose, évidemment. Dis-moi si Eros désire, oui ou non, ce dont il est amour. Bien sûr, il le désire. Est-ce le fait de posséder ce qu'il désire et ce qu'il aime, qui entraîne le fait qu'il le désire et qu'il l'aime, ou le fait de ne pas le posséder ? Le fait de ne pas le posséder, cela du moins est vraisemblable. Il y a désir de ce qui manque et il n'y a pas désir de ce qui ne manque pas. C'est une nécessité qui crève les yeux, non ? C'est bien ce qu'il me semble. Est-ce qu'un homme qui est grand souhaiterait être grand ? C'est impossible, suivant ce que nous venons d'admettre. Cet homme ne saurait manquer de cette qualité puisqu'il la possède. Tu dis vrai. Ainsi, l'homme qui désire quelque chose, désire ce qui lui manque et ce qui n'est pas présent, ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même, ce dont il manque. Voilà bien le genre de choses vers quoi vont son désir et son amour. Assurément. Rappelle-toi, tu nous racontais à peu près, je crois, que les dieux avaient réglé leur querelle grâce à l'amour du beau, car il n'y a pas d'amour du laid. C'est à peu près ce que tu as dit, je crois. C'est bien ce que j'ai dit. Donc Eros devrait être amour de la beauté et non de la laideur. Or, n'avons-nous pas admis qu'il aime ce dont il manque et ce qu'il n'a pas ? Oui. Donc, Eros manque de beauté ? Forcément. Mais quoi, vas-tu appeler beau ce qui manque de beauté ? Non, assurément. Dès lors, accordes-tu encore qu'Eros est beau s'il en est ainsi ? Je risque fort, Socrate, d'avoir parlé sans savoir ce que je disais. Oh, pourtant, Agathon, tu as magnifiquement parlé. Mais en ce qui me concerne, Socrate, je ne suis plus de taille à engager avec toi la controverse. Non. Mon cher Agathon, c'est avec la vérité que tu ne peux pas engager la controverse. Avec Socrate, ça n'est vraiment pas difficile. Et oui, le propre de Socrate consiste à injecter du doute là où vous pensiez détenir la vérité. Ici, Socrate est interprété par Thierry Ancize et c'est Serge Bagdasarian qui interprète Agathon. C'est une fiction France Culture qui date de 2006, qui interprète l'intégralité du Banquet. C'est très agréable à écouter. Et puis on entend ce dialogue Fulcrant Esrine, ce dialogue si important une fois que Socrate prend la parole. C'est ce don qu'a Socrate de retourner son interlocuteur en une seconde et de montrer que ce qu'il tenait pour vrai s'écroule, ne tient pas. Et oui, on n'est plus dans l'éloge. On est dans la réfutation. Là, pour le coup, on a un vrai dialogue, et un dialogue socratique, hein, qui consiste précisément à souligner les contradictions du propos de l'interlocuteur. D'ailleurs, c'est assez intriguant de voir que cette réfutation porte sur la conception qu'Agathon se fait du désir et de Eros, puisque dans son éloge, Eros est beau, a toutes les qualités, Platon, Socrate en tout cas, va montrer que il n'en est rien si on admet que Eros est à la poursuite du beau. S'il est à la poursuite du beau, c'est évidemment qu'il ne possède pas cette beauté qu'il recherche. Alors, c'est amusant de voir que la réfutation porte sur ce thème, car après tout, pourrait-on dire, la réfutation, pourquoi est-ce qu'elle est si importante dans l'art socratique ? Elle consiste à mettre à nu l'âme de l'interlocuteur, de lui faire retrouver une sorte de détresse originelle, une sorte de pauvreté. Chacun croit savoir. Grâce à Socrate, on sait qu'on ne sait plus. Bon. Et du même coup, on réveille le désir philosophique, le désir d'apprendre ce que nous ignorons. Et donc, je crois qu'il y a un écho très fort entre l'objet même de la réfutation et la forme de la réfutation. Les deux se correspondent ici assez bien. Alors, maintenant, évidemment, cette conception du désir comme manque, elle a pu être contestée par la suite. On y a vu une vision négative, restrictive du désir. On peut lui opposer une vision plutôt spinoziste du désir comme affirmation, comme puissance et non pas comme manque. En même temps, je crois que cette critique-là, qui est assez classique, manque un peu son objet, parce que la perspective dans ce texte, c'est de montrer que le désir érotique, est toujours un désir relationnel, hein, et qu'il y a une dualité dans le désir. Il y a le sujet désirant et l'objet désiré. Et on ne peut pas faire l'économie de cette dualité. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, pourquoi les deux parties qui se retrouvent du mythe d'Aristophane, quand elles se retrouvent, périssent ? Ben, parce que la dualité disparaît. Et si la dualité disparaît, le désir disparaît. Et si le désir disparaît, elles sont inanimées, elles deviennent mortes. Donc il faut retrouver une forme de dualité, de multiplicité pour qu'il y ait du désir. Il n'y a pas de désir sans multiplicité. Hein? Et donc on pourrait même parler d'un désir ou d'un souci de soi, à condition, naturellement, que l'on retrouve à l'intérieur de soi une forme de pluralité. Ce que vous voulez dire, c'est que la conception du désir comme manque est à nuancer. C'est manque de quelque chose, c'est un manque qui implique une altérité, toujours. Qui implique une altérité. Il y a toujours une intentionnalité, il y a une structure logique du désir qui fait que le désir est toujours désir d'eux, comme on disait, ou comme on dit que la conscience est conscience d'eux. Hein, tout désir se porte vers un objet et on ne peut pas faire abstraction de cette dualité fondamentale du sujet et de l'objet à propos du désir. Ça, c'est, je dirais, la structure logique du désir. Et Platon en tire le plus grand parti, je crois. Parce qu'il montre que, justement, il y a nécessairement une altérité à l'œuvre. Et donc, évidemment, s'il y a une altérité, il y a une différence, hein, puisque les deux termes sont équivalents. Et s'il y a une différence, ça veut donc dire que le sujet désirant ne peut pas être qualifié de la même manière que l'objet désiré. Et donc, il y a dans l'objet désiré, souvent plus que ce qu'il y a dans le sujet désirant. En tout cas, le sujet désirant ne peut se représenter son propre désir qu'à la condition qu'il voit dans l'objet qu'il désire quelque chose qui mérite d'être désiré. Donc qui lui apportera quelque chose, qui l'améliorera, qui le perfectionnera, qui le rendra meilleur. Et ça ne peut donc être que si cet objet désiré possède des qualités qu'il juge lui faire actuellement défaut. Donc il faut être deux ou plusieurs pour aimer ou pour désirer. Mais chez Platon, et c'est le sens de la fin du banquet, ce désir n'est qu'un moyen pour atteindre autre chose. L'amour qui nous porte vers un autre corps, vers une autre âme belle, dans le meilleur des cas, nous conduit ensuite vers ce que Socrate appelle la vérité, et vers une forme d'unité cette fois-ci. Oui, alors... L'amour n'est pas une fin en soi, l'amour d'un autre être. Alors ça, c'est une question très difficile. L'amour n'est pas une fin en soi. Si vous répondez que l'amour est une fin en soi, vous êtes stendhalien. Ce qui est pas mal aussi. Ce qui est pas mal. Hein. Vous êtes amoureux de l'amour. On le sera mercredi, Stendhal. Vous êtes amoureux de l'amour. Dans une certaine mesure, ne peut-on pas dire de Socrate qu'il est aussi amoureux de l'amour, hein. Puisque comme vous le savez, Socrate finalement ne consomme pas. Hein. Et ce qui lui plaît, c'est précisément le jeu érotique, mais sans chercher à obtenir de ce jeu érotique une fin déterminée, sinon, précisément, celle qui consiste à faire naître chez son interlocuteur un désir pour la vérité. Hein. Donc c'est un désir qui appelle le désir. Hein, un désir qui se nourrit du désir de l'autre. Mais ce désir de l'autre, c'est pas un désir pour soi, c'est pas faire naître le désir de soi par l'autre, hein, mais c'est faire naître chez l'autre le désir de la vérité qui va nourrir mon propre désir de la vérité. Et donc, en un sens, on peut dire que il y a bien une fin en soi de l'amour. Hein. L'amour est bien une fin en soi chez Platon parce que chacun désire le désir de l'autre, le désir de la vérité chez l'autre, parce que ça amplifie mon propre désir pour la vérité. Si nous aimons la vérité dans l'autre. Si nous aimons la vérité dans l'autre, ou si nous aimons que l'autre désire ce qui sera pour lui la vérité. Et qui, pour Platon évidemment, n'est pas de nature différente de ce qui sera pour moi la vérité. Il n'y a pas de relativisme de la vérité, évidemment. Chez Platon, non. Chez Platon, non. C'est bien la conclusion du banquet. La conclusion du discours de Diotime, peut-être. Pour ce qui est de l'intervention d'Alcibiade, c'est autre chose. Le jeu reste ouvert. Et le mot de la fin revient à Brigitte Fontaine. Les hommes préfèrent les hommes. Ils sont très baises comme les bijoux de la reine. Dans le coffre est d'ébène, même chez les truands, on les voit dans le sang, agitant leur sacrum, en hommage à Sodome. Les hommes préfèrent les hommes, les hommes préfèrent les hommes, dans la pègre et les guerres, on les voit tels des frères, ennemis se saignant, pour les mignons régnants. Un grand merci à vous, Fulcrand Esserinck, d'être venu nous parler du banquet de Platon aujourd'hui. Je rappelle que vous enseignez la philosophie en première supérieure au lycée Poincaré à Nancy, que vous avez plusieurs classes de prépa scientifique. Cette année, vous vous occupez de ces classes, donc vous allez leur enseigner le banquet de Platon. On peut lire de vous le sophiste de Platon, hein, aux éditions Puf et CNED, ainsi que Langage et images dans l'œuvre de Platon aux éditions Vrin. Préfère les hommes, il y avait jadis les blondes, les actrices. Mais c'est l'air du verso, surtout chez les barbeaux. Les hommes préfèrent les hommes, chante Brigitte Fontaine, nous on préfère Géraldine Bossin à sa voix, au chemin de la philosophie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. On vous retrouve en cette rentrée pour votre journal de la philo. Toujours, toujours la philosophie. Voilà, tous les jours à 10h52 à peu près, vous nous parlez d'une forme d'actualité en lien avec la philosophie. Aujourd'hui, c'est une actualité... qui n'est pas que littéraire, parce que la rentrée n'est pas seulement littéraire, on parle beaucoup de la parution de romans, mais elle est aussi philosophique cette rentrée. Alors j'ai pas fait le compte de toutes ces parutions de philo, mais j'ai décidé de vous faire une petite sélection pour cette semaine. Cette sélection n'est forcément pas exhaustive, ni forcément objective, mais chaque livre marque, ou devrait marquer selon moi cette rentrée. Je commence en musique avec la philosophe Agnès Guéraud, qui s'interroge dans un livre paru aux éditions La Rue Musicale et à la Découverte, sur ce que tout le monde écoute, mais n'a jamais vraiment interroger, ou alors, sauf pour le critiquer, la pop. Pop chante XTC, d'accord, mais qu'est-ce que la pop ? Bien, c'est au fond la question d'Agnès Guéraud dans sa dialectique de la pop. Question simple, car on sait tous ce que c'est, la pop. Alors certes, elle couvre un ensemble d'objets, de figures, d'époques et de préjugés, mais la pop, c'est tout simplement la musique populaire enregistrée, du Charleston à Johnny Hallyday, du rock à Beyoncé. Mais c'est aussi, et c'est tout l'enjeu de ce livre, vous vous en doutez, une question compliquée. Car on sait ce qu'est la pop, on danse dessus, mais saurait-on le dire ? C'est paradoxal, mais le fait est là, on sait ce qu'est la pop sans le savoir. Se demander qu'est-ce que la pop, c'est ainsi interroger ce qui nous est familier mais que l'on ne pense jamais. Trop légère, pas assez profonde, penser la forme pop, c'est faire l'expérience du négatif, la penser alors qu'on la connaît déjà mais sans le savoir et sans avoir jamais pensé à la penser. D'où ce défi passionnant, que faut-il alors en penser ? The party's over. It's time to call it a day. They've burst your pretty balloon and taken the moon away. It's time to wind up the masquerade. Just make your mind up. The piper must C'est tout le paradoxe de la pop. Elle est là, elle existe, elle nous entête, nous oppresse ou nous enchante. Mais quoi qu'il en soit, elle est là et on ne la pense pas. Pourtant, et c'est cet aspect qu'Agnès Guéraud explore dans son ouvrage, la pop, elle, se pense. Elle a déjà une profondeur, une réflexivité, une idée d'elle-même et elle est même sa meilleure critique. Encore faut-il savoir l'entendre, encore faut-il savoir écouter sa dialectique. Par exemple, dans cette chanson de Nat King Cole, on entend que la fête est finie, mais qu'elle a quand même bien eu lieu. On entend aussi cette drôle d'injonction, cet ordre à se laisser aller. En fait, on entend que la pop nous dit une chose, mais aussi son contraire, qu'elle est pop et anti-pop, qu'elle est à la fois une culture et une industrie, une émancipation de soi et un plébiscite planétaire. Peut-être est-ce une ébauche de réponse. Ce qu'est la pop, c'est ce mouvement incessant entre ce qu'elle est, tout en ironisant de l'être. Boy, ce que l'on est tout en ne l'étant plus. Pour prouver cette dialectique de la pop, Agnès Guéraud parcourt toutes ses figures. C'est un ouvrage foisonnant qui regorge de références multiples et de références qui, comme Beyoncé, sont capables de métamorphoses, de collages, de retournements et de paradoxes à elles seules. Un ringard qui devient une star, des refrains trop parfaits, des robots qui imitent des hommes, qui imitent des rossignols, des hits, des hooks et des hillbilly, voilà qui donne à penser, sans nous ôter complètement la magie d'un tube qui, avant d'hanter nos têtes, nous entête. Merci Géraldine et merci pour Beyoncé. J'ai pu voir le déhanché de Nicolas Berger, tout ça rime. Rappelez-nous le titre chance. Du livre. Dialectique de la pop, et c'est donc un ouvrage qui est paru à la fois à la rue musicale et aux éditions La Découverte, c'est Agnès Guéraud. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission. Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr, Isis Jourda, Eva Ferenzi, Marie Simon, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'amour en compagnie de Gisèle Venet, spécialiste de Shakespeare, avec qui nous évoquerons le songe de nuit d'été. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger si vous le souhaitez. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur ou votre téléphone portable et l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. C'est le principe du podcast, c'est magique. Et les chemins vous accompagnent ainsi, absolument où vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques, vos commentaires et nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture en cette rentrée.